vos délices, de la pluie sur tes hélices, petite machine. Entendre délices, ces cruautés de ta bouche qui se plisse, machine. Et je m'enlise, ne sachant ton nom, t'as ton rire qui glisse, machine m'emportant, injustice. Tendre délice, de la pluie sur tes hélices, petite machine. Tendre délice, de la pluie sur tes hélices, petite machine. Entendre délice, ces cruautés de ta bouche qui se plisse, machine. Et je m'enlise, ne sachant ton nom, dans ton rire qui glisse, machine m'emportant, injustice. Yeah.